Portrait d'assaut sur Fadjet. Martin Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement enseignement supérieur pour l'AFEV, association de la Fondation étudiante pour la ville, une association qui est déjà trentenaire. Trentenaire au niveau national et qui opère sur l'agglomération de Nancy depuis plus de 20 ans maintenant. Et pour vous accompagner ce matin, nous accueillons aussi Younes et Florentine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes en service civique. Exactement. Au sein de la FEV. Et on va découvrir un peu c'est quoi vos missions. Déjà, présenter la FEV un peu plus longuement aussi, même si ça a 30 ans, même si c'est déjà bien implanté, notamment à Nancy. Et comment vous pourriez définir un peu le rôle de la FEV ? La FEV, c'est un catalyseur et un révélateur des inégalités qui touchent encore les enfants et les jeunes aujourd'hui. Surtout les inégalités sociales et scolaires, mais elles sont généralement interdépendantes, c'est-à-dire que l'une va impacter l'autre, c'est-à-dire que les difficultés sociales de la famille ou des enfants directement vont impacter leur scolarité et bien sûr, les difficultés scolaires vont impacter les difficultés sociales à court, moyen ou long terme pour les enfants et leurs familles. Et c'est là-dessus que nous, à la FEV, depuis 30 ans, on décide d'agir. Mmh. C'est donc une association qui a été créée il y a plus de 30 ans par 3 étudiants, qui avait fait ce constat-là, qui je pense est toujours d'actualité, c'est que ben, les jeunes, ils ont envie de s'engager. Et on l'a vu notamment avec les différentes crises sanitaires, ça a été encore plus renforcé en tout cas. Ça s'est ressenti de manière encore plus palpable au niveau de la volonté de s'engager de la jeunesse. Le credo que nous, on a choisi, parce que des types d'engagement, il y en a des millions, on va parler du service civique, mais oui. Tout type d'engagement existe et peut avoir des impacts intéressants. Mais là, l'idée, c'était de se dire comment on fait le lien entre cette vie étudiante et la ville dans laquelle ils étudient et les populations qui vivent dans ces villes. Pour parler un peu des actions que mène la FEV justement pour diminuer ces inégalités, il y a le travail des services civiques qu'on va découvrir tout de suite après. Il y a des colocations à projets solidaires, il y a le mentorat, c'est aussi quelque chose d'assez important. Et là interviennent aussi les services civiques, il y a des volontaires en résidence. Qu'est-ce qui est particulièrement implanté notamment sur Nancy et sur Alors, sur Nancy, les deux programmes qui sont particulièrement implantés, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est donc un accompagnement à l'éducation, mais qui va beaucoup plus loin de ça, c'est un accompagnement individualisé pour aider à la prise de confiance et au développement de l'enfant et des jeunes qu'on accompagne. Donc ça se fait 2 heures par semaine par des étudiants bénévoles qui vont au domicile des familles ou en lieu tiers quand ça s'avère nécessaire ou qu'ils en ont envie. Et pendant ces 2 heures, vraiment, l'étudiant et le jeune qui est accompagné font vraiment ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'obligation. Les jeunes qui s'engagent à nos côtés en tant que bénévoles ne sont pas des professeurs particuliers. L'idée, c'est que vraiment, ils soient là pour apprendre de l'autre, découvrir et redonner confiance en soi aux enfants qu'on accompagne. Le mentorat pour des étudiants, des jeunes qui nous écouteraient, qui ne connaîtraient pas, donc c'est vraiment ça, c'est un accompagnement sur la durée, régulier, c'est un référent aussi. Tout à fait, c'est 2 heures par semaine, et sachant que ces 2 heures-là, ils peuvent les répartir comme ils veulent, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils se sont vus une première fois un mercredi à 14h que le créneau mercredi 14h-16h, il est bloqué toutes les semaines, non. Parce qu'en fonction de leur disponibilité en tant qu'étudiant, ça peut changer chaque semaine en fonction de leurs cours, s'ils ont un taf, enfin vraiment. Donc ils sont vraiment adaptables là-dessus. Les familles aussi ont des emplois du temps qui peuvent changer en fonction de ce qui peut se passer avec les autres enfants, le travail de la famille. Enfin vraiment, là-dessus, il y a une grande flexibilité parce que le pari qui est fait, c'est sur une relation humaine. Et les relations humaines, elles sont construites aussi sur l'adaptabilité, la flexibilité. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on parie. Alors, on va donner la parole maintenant à Florentine et Younes, qui sont donc en service civique. Alors, Younes, récemment, ça fait à peu près une semaine. Oui, c'est ça. Et Florentine, un peu plus. Oui, plus d'un mois. Expliquez-nous un peu vos missions. Elles sont identiques ? Non, du tout. Alors, Florentine. Moi, par exemple, j'ai la mission mobilisation et communication. Je fais aussi du mentorat, mais la principale, c'est la mobilisation. Donc, on se rend sur les campus pour justement chercher des bénévoles. Faire connaître la FEV. Voilà, exactement. On leur parle de la FEV, ce que c'est, l'engagement. Et du coup, on peut aussi partager notre expérience. Par exemple, moi, j'ai commencé l'année dernière, en première année, du coup. J'ai fait du bénévolat et je le fais toujours cette année avec le service civique. Donc, je peux partager mon expérience et leur parler de la FEV et voilà. D'accord, on va revenir aussi sur ton expérience avec la FEV. Younes, comment tu as connu la FEV, toi ? Alors, moi, j'ai connu la FEV sur le site du service civique. Ouais. Cherchais un service civique à faire et puis, du coup, j'en avais postulé sur pas mal. Et j'avais vu que la mission qui était proposée dans le descriptif m'intéressait beaucoup. Du coup, j'ai postulé et puis j'ai passé un entretien et puis j'ai été embauché, du coup. Et quelle est cette mission alors que tu vas alors, suivre? Alors du coup, c'est une mission totalement différente des autres services civiques. Je serai en mission dans le nouveau collège Nikit Saint-Phal. Et c'est une mission qui est toute nouvelle, qui est toute récente. Donc pour l'instant, c'est un peu un projet, comment dire... Expérimental? Exactement. Il y aura beaucoup d'interventions, par exemple sur l'harcèlement. C'est ouais. vraiment en fait appuyer sur les besoins des élèves et apporter notre touche, nous, d'étudiants qui ont eu un parcours totalement différent du leur, leur expliquer comment ils pourraient avancer dans leur vie professionnelle ou d'études, etc. Martin Haber, donc on voit deux missions complètement différentes. Vous accueillez combien de services civiques déjà au sein de la FEV à Nancy? Alors, on accueille sur l'année, en fonction des différents programmes que l'on met en place, une quarantaine de services civiques par an. Une bonne équipe hein, déjà. Pour illustrer un peu la nécessité d'être autant, c'est qu'on recrute, on encadre, on forme et on suit donc 400 bénévoles chaque année pour accompagner donc 400 enfants en difficulté sociale et scolaire, mais on est présent dans une demi-dizaine d'établissements, que ce soit des collèges ou des écoles primaires, avec nos volontaires en résidence qui, eux, ont la particularité d'être 12 heures en service civique à la FEV et 12 heures en établissement. Ou les autres volontaires en service civique, eux, ont un contrat de 24 heures par semaine et le font entièrement dans les locaux ou dans les missions directement dépendantes de l'action de la FEV. D'autres, en fait, sont dans les établissements scolaires, donc les écoles primaires ou les collèges, pour des interventions en classe auprès d'enfants. Donc voilà, des missions très variées qui peuvent aussi intéresser des étudiants qui n'ont pas forcément 24 heures d'un coup. Et voilà, il y a aussi une souplesse de nombreuses possibilités. Pour revenir, Florentine, sur ton investissement, tu nous as dit que tu étais déjà investi à la FEV depuis un an, déjà, en bénévole, oui, c'était ça? Et comment tu avais connu, toi, la FEV? Grâce à ma fac partageait différentes associations, j'ai connu la FEV. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette mission-là? Ça m'a tout de suite donné envie de devenir bénévole, parce que du coup, j'avais envie d'apporter mon aide et je ne savais pas comment le faire. Là, je me suis dit que c'était une bonne idée et du coup, je suis contente de l'avoir fait et de le faire encore. Donc tu as fait du mentorat? Oui, c'est ça. J'ai accompagné une fille de 8 ans durant toute l'année scolaire. On en sort différent après un an d'accompagnement? Ah oui, vraiment, ça change. Et du coup, on apprend plein de choses aussi sur nous-mêmes. Mmh. Et du coup, c'est très gratifiant de pouvoir apporter son aide aux autres. Martin Haber, vous avez parlé d'accompagnement, de formation, que ce soit pour les bénévoles et les services civiques d'autant plus. Ça aussi, c'est une mission importante de la FEV. Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Vous organisez des sessions de formation au niveau local? De toute façon, pour les services civiques, c'est dans le cadre légal. C'est une obligation. C'est une obligation. Il y a différentes formations qu'on appelle civiques et citoyennes qui sont obligatoirement à dispenser pour les services civiques et pour nos bénévoles. En fait, le cadre est beaucoup plus souple puisque c'est du bénévolat, mais nous, on se dit que en fait, c'est vraiment une obligation morale de notre part en fait, de les accompagner, de les suivre au mieux et du coup de les former. Pour cela, on a plusieurs outils. On a développé une plateforme interne numérique en fait, pour la reconnaissance des compétences liées à l'expérience étudiante, donc avec des MOOC, donc des petites vidéos en ligne à temps réduit où vraiment on leur donne le maximum d'informations. Ils ont également du coup la possibilité, via cette plateforme, de s'inscrire à des formations pour approfondir leurs connaissances dans le cadre du bénévolat, de l'accompagnement, de la lutte contre les inégalités, de l'aide au développement des enfants. Par exemple, on fait des formations chaque année sur l'aide à l'orientation des collégiens. On fait des formations également sur les typologies de public qu'on va accompagner, comme les enfants nouvellement arrivés en France, ou par exemple les mineurs non accompagnés. Enfin, vraiment, on essaye d'avoir le plus de formations possible, mais on fait aussi quelque chose qui est pour nous très important. On fait des formations sur la valorisation et la reconnaissance de l'engagement. La plupart des étudiants, de par leurs établissements d'enseignement supérieur, ont le droit de faire reconnaître leurs engagements, mais c'est souvent via des dispositifs qui sont complexes puisque administratifs. Et nous, on les aide à décortiquer et à leur faire comprendre aussi l'intérêt de ça. C'est-à-dire que quand on fait valoriser ou reconnaître son engagement, on ne va pas le dévoyer ou diminuer sa valeur. Ça ne fait pas d'eux de moins bons bénévoles. C'est pas parce qu'ils en retirent potentiellement un avantage dans leurs études que ça va impacter ou diminuer la qualité de leur bénévolat. Donc on essaie déjà de déconstruire ça et de mettre en avant et en lumière toutes les compétences qu'ils vont développer pendant le bénévolat et qu'ils vont pouvoir valoriser par la suite. Younes, donc toi tu démarres une mission. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en attends de cette mission de service civique? Honnêtement, pas grand-chose. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour, donc j'espère être surpris de ce que, pour l'instant, ça commence très bien. Je pensais pas apprécier autant aussi vite un service civique, et pour l'instant... Donc on rappelle, toi tu vas aller au contact des collégiens. Oui, c'est ça. Pour parler de harcèlement scolaire, enfin oui. des problématiques qu'ils peuvent rencontrer au collège. Exactement. Et Florentine, toi tu as déjà une bonne expérience au sein de la FEV. Est-ce que ça, bien sûr, ça va t'aider pour pour ton avenir professionnel aussi ? Bah oui, je pense que c'est toujours utile parce que du coup, j'ai pu développer des compétences que je pourrais réutiliser par la suite. Martin Imbert, aujourd'hui, est-ce que c'est encore facile de trouver des bénévoles, de recruter aussi des services civiques ? Parce que les missions de services civiques, elles sont très nombreuses et est-ce qu'il y a suffisamment de candidats derrière ? Je pense que, comme pour beaucoup de choses, c'est une question de moyens. On entend encore aujourd'hui beaucoup d'acteurs dans des réunions qu'en fait, la jeunesse, elle n'a plus envie de s'engager, qu'elle ne trouve pas le temps ni l'envie. Je pense que nos chiffres à nous démontrent le contraire. Rien que sur donc, l'agglomération de Nancy, on est à plus de 400 engagés. Sur la Lorraine, on est à plus de 800. Sur la Grand Est, on est à 2000. Et on est à plus de 25 000 sur toute la France. Donc je pense qu'en fait, c'est juste une question de moyens. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, pour recruter 400 bénévoles sur l'agglomération du Grand Nancy, on est présent sur les campus toutes les semaines, 3 à 4 fois par semaine, sur les campus de septembre à décembre. Alors ça demande beaucoup de temps, ça demande une grande organisation, mais on y arrive. Et sur la question des volontaires en service civique, je pense aussi que c'est une question de réussir à rendre attractives ces offres, parce qu'elles sont quand même très normées par le site du service civique. Et après, c'est voir comment on arrive à choisir les mots pour sortir du lot. Et on a le gros avantage aussi, c'est que ben, les missions qu'on propose, elles ont un impact direct qui parle directement aux étudiants. En fait, le fait de participer à aider des enfants en difficulté, c'est parlant, il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus dans le détail pour attirer l'intérêt premier de potentiels candidats. Et après, bien sûr, nous, notre travail, c'est au moment où on les reçoit, au moment où on va discuter avec eux, d'identifier leurs envies, leurs aspirations pour que le service civique leur serve au maximum. Ils ne sont pas là juste pour être utiles à l'association, ils sont là aussi pour grandir, apprendre et se découvrir pendant cette expérience qui est souvent à la fois intense mais très courte pour eux, parce que ce soit des missions de 6 ou 9 mois, ça passe très très vite. On a parlé de l'engagement, des bénévoles, des services civiques. Est-ce qu'il y a aussi une vie associative au-delà des missions de chacun, des temps un peu plus festifs, des temps forts dans l'année ? On a cette volonté aussi de créer un esprit de communauté. Il n'y a pas 400 différentes personnes qui en fait sont bénévoles ou une trentaine, une quarantaine de services civiques. On fait tous partie de la grande famille AFEV et du coup on essaye de faire émerger des temps de rencontre, des temps de convivialité pour justement aider à l'émergence de cet esprit de communauté AFEV. Et notamment, on essaye qu'au moins un jeudi par mois, en fait, on propose aux bénévoles de se rencontrer pour un moment convivial, soit dans nos locaux qui sont juste à côté de la fac de lettres ou dans un bar, par exemple. Et l'idée, c'est que chacun puisse se rencontrer, échanger sur son expérience en tant que bénévole, mais sur sa vie en général et voir au final qu'il y a une grande différence de profil entre les différents étudiants, les différents bénévoles, les différents profils de volontaires en service civique et même les différents profils de salariés à la FEV, parce qu'il n'y a vraiment pas de profil type. Pour vous donner un exemple, l'été dernier, on était en réunion régionale avec l'ensemble des salariés de la FEV et on s'est rendu compte qu'aucun n'avait le même parcours d'études que l'autre. Et sur une trentaine de personnes, c'est quand même suffisamment parlant pour imaginer cela. C'est que vraiment, que ce soit pour s'engager en tant que bénévole ou en tant que service civique ou en tant que salarié dans le monde associatif, je pense qu'il n'y a pas vraiment de prérequis à part avoir cet ADN de l'envie d'impact. Et d'aller vers l'autre. Et d'aller vers l'autre, évidemment. Donc si les éditeurs souhaitent en savoir plus sur la FEV, aller à votre rencontre. On a entendu que vous étiez présent sur les campus, voire dans les collèges et tout ça. Comment on peut faire ? Il y a bien sûr le site internet, www.afev.org, mais à Nancy, comment on fait ? À Nancy, ils peuvent soit se rendre dans nos locaux. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et on est situé du coup aux 4 rue Moulin de Boudainville. Donc c'est juste à côté de la fac de lettres. Oui. Donc c'est ultra pratique et facile d'accès avec le T2. Et puis sinon, on est également présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Donc il suffit qu'ils tapent afev.nancy et on répondra à leurs questions avec plaisir. Florentine, un dernier mot, peut-être un argument pour donner envie à des étudiants de vous rejoindre, soit en bénévole, soit plus tard en tant que service civique. Je pense que s'ils essayent, qu'ils ne tentent à rien, ils verront bien si ça leur correspond ou pas, mais en tout cas on défend de belles valeurs, donc ça pourrait être cool. Younes, Je pense qu'ils devraient essayer de passer ce cap. C'est toujours quelque chose de pris et c'est enrichissant. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose à faire, et même pour un service civique, vu qu'on peut en faire qu'un seul dans sa vie, je pense que c'est vraiment l'occasion de travailler en même temps dans une association. Puis sur le CV, je trouve que ça va être beau. Merci Younes, merci Florentine et merci à Martin Imbert. Je rappelle que vous êtes chargé de développement enseignement supérieur à la FEV. Merci à vous trois. Merci à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.